Che Jin-su, président de la direction nord de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, a publié le 23 mai un entretien. En voici le résumé. La ligne et l'orientation de réunification indépendante du pays, avancée par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du Parti travail de Corée, servent de la bannière encourageante en faveur de la destinée indépendante, de la réunification et de la prospérité de la nation, en déjouant les défis scélérats des sécessionnistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Elle constitue également un guide de programme donnant la réponse parfaite aux problèmes de principes et pratiques posés actuellement dans les rapports Nord-Sud. Quand tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora s'engagent comme un seul dans le mouvement patriotique de réunification en suivant loyalement les projets imminents énoncés par le 7e congrès du parti pour la réunification nationale, une large voie sera ouverte à l'unité nationale malgré tous les pires défis et épreuves, et une phase nouvelle faisant date sera marquée pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le reste du monde. Soutenant la direction éclairée du maréchal, la direction nord de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie militera à la tête des patriotes partisans de la réunification pour mettre en application les lignes et orientations précisées dans le rapport d'activité fait au 7e congrès du Parti travail de Corée et finira par édifier sur le sol coréen une puissance réunifiée, digne et prospère, enviée par tout le monde.